les petits oiseaux qui se trempent tout dans les bacs d'eau. Elles sont belles, les libellules, qui lisent leurs ailes au crépuscule. Ils sont marrants, les éléphants, qui se rincent les dents dans les étangs.